des sciences qui a connu des hauts et des bas dans son déroulement, dans son assistance, dans la qualité et l'intérêt des débats qui nous a réunis, mais qui a eu le mérite d'exister, hein, d'être un lieu de débat vif, d'entretenir un certain nombre d'idées par rapport aux réformes qui vont leur fin et qui nous accablent hein, d'une certaine façon. Et je dois dire que j'ai quelques regrets. Il est difficile d'exprimer cela, que le vote au conseil d'administration de notre école sur les compétences élargies n'ait pas réuni plus de votes en abstention et en négation, si je veux dire, et en non. Mais enfin, c'est comme ça, hein, c'est la réalité des rapports de force, parce que c'est un gros problème. Je pense que nous devons être très attentifs aux arguments de nos collègues de l'école des études qui restent fondamentalement soit indifférents, soit relativement partisans des réformes, parce qu'il y en a beaucoup, plus qu'ailleurs, je le crains. D'un autre côté, nous formons une opposition relativement cohérente et en tout cas ferme. Et je pense donc que nous devons continuer à alimenter notre réflexion. Je vais passer la parole peut-être à Michel tout de suite, non sans vous dire que le séminaire va continuer l'an prochain dans une salle un peu moins gigantesque. Alors écoutez, comme moi j'ai pas vocation à modérer, je sais pas trop ce que ça veut dire, mais je suis toujours prêt à le faire. D'ailleurs les collègues me le laissent bien volontiers. Je leur suis reconnaissant de cela. Et donc je vous invite à ce qu'on organise une réunion assez spontanée. Et je pense qu'il va se passer d'ailleurs quelques trucs, hein, quelques événements au cours de cette réunion, et on va en discuter tout au moins. Michel, à toi la parole.